L'actualité à Nancy et ailleurs. Ridouane Atif, bonjour. Bonjour. Diwan en Lorraine, l'association dont vous êtes le président, accueille l'exposition du calligraphe Karim Jaafar. C'est à voir à la Douaira Malzéville jusqu'au 20 février. Karim Jaafar, c'est un artiste que vous aviez déjà programmé en 2020, je crois. Oui, on l'avait programmé, mais malheureusement, on n'avait pas pu l'accueillir à cause de la période Covid. Et donc, on l'avait déplacé une fois. Et on n'avait pas toujours pas pu l'accueillir. Et là, on l'accueille pour la première fois après avoir beaucoup échangé avec lui ces 2 ans durant. Alors, avec au cœur de cette exposition, les calligraphies de cet artiste, expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur place. Par rapport à cette calligraphie, elle s'inscrit d'abord dans une grande exposition qui s'appelle « Art de l'islam, un passé pour un présent », qui a été initiée par le musée du Louvre avec 18 villes de France. Et donc, Diwan a été invité par le musée des Beaux-Arts de Nancy et la galerie Poirel à s'y associer. Et donc, nous, on a trouvé pertinent d'y inviter Karim Jaafar, qui est un grand calligraphe arabe. Donc, déjà par rapport au fait que c'est un autodidacte, il s'est exprimé dans la calligraphie depuis son plus jeune âge. Quand il est venu, il avait 13 ans quand il est venu en France. Et pour lui, la calligraphie, ça a été un moment où il pouvait se raccrocher à quelque chose qui lui appartenait à sa culture. Et puis, de fil en aiguille, il a pris conscience que c'était aussi un pont vers les autres, puisqu'il commençait à faire des calligraphies de noms et de prénoms de ses amis. Et donc, ça a été une belle ouverture. Et c'est quelqu'un qui a révolutionné la calligraphie parce qu'il y a introduit beaucoup de couleurs, un geste très délié, et il ne s'interdit pas d'y mettre du collage. Donc, ça a un petit peu froissé les tenants des écoles traditionnelles de la calligraphie. Mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît Karim Jaafar comme un grand calligraphe. Et il a d'ailleurs représenté la France à une exposition en Chine pour son art de la calligraphie. Alors, pour expliquer peut-être aux auditeurs et pour imaginer, en radio, c'est pas forcément évident, mais en quoi consiste cet art de la calligraphie? Donc en fait, si on prend la calligraphie, il y a plusieurs écoles et il faut respecter un certain nombre d'exigences en termes de métrique, les lettres, leur hauteur, les unes par rapport aux autres. Et puis, il y a des formes qui sont différentes, des formes qu'on peut trouver très géométriques dans la calligraphie koufi, par exemple, des formes très déliées. Et lui, il a pris prétexte de la calligraphie pour aller au-delà. Donc, il ne s'interdit pas de prendre des poésies pour en faire des calligraphies et introduire de la couleur. Alors, il a une exigence dans son art, c'est qu'il ne passe qu'une seule fois. Parce que pour un œil profane, il va voir des motifs, mais il s'agit bien de lettres et de calligraphie. Et donc, s'il y a une erreur, Karim la jette à la poubelle et recommence son œuvre. Donc, voilà l'exigence qu'il s'est donnée. Et donc, il faut beaucoup de concentration et de maîtrise pour que le geste soit délié et traduise ce que veut l'artiste. Voilà, avec énormément de détails. On invite bien sûr les auditeurs à découvrir cette exposition qu'on peut voir jusqu'au 20 février à la Douaira à Malzéville. Cette exposition, elle a commencé le 5 février avec un temps d'échange que vous avez fait en compagnie de Karim Jaafar. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce temps? Comment ça s'est passé? Oui, ça a été un moment très émouvant parce que on n'a pas invité Karim Jaafar uniquement parce qu'on le connaissait, mais Art de l'Islam a été initié suite à l'assassinat du professeur Samuel Paty. Et en étant en lien avec Karim Jaafar, je savais qu'il s'était enfermé dans son atelier. Il a fait une très grande introspection pour regarder comment il pouvait rendre hommage au corps enseignant de manière générale et à Samuel Paty en particulier. Et il a peint un très beau tableau qui s'appelle « L'encre de l'élève vaut plus que le sang du martyr ». Et il y a eu un moment d'échange avec une 60aine de personnes où Karim a pu expliquer ce qu'il voulait symboliser par cette calligraphie. Et ensuite, on a invité tous les gens qui étaient présents à partager un moment musical, un concert offert par nos amis de Moussafir dans la très belle salle de la Douaira. Voilà, donc cette exposition, on le redit, visible jusqu'au 20 février, les après-midi, les week-ends exclusivement, les samedis et dimanches de 14h à 18h, la Douaira, c'est 2 rues du Lion d'Or à Malzéville, un très beau lieu d'ailleurs aussi à découvrir. Cette exposition, c'est un temps fort, il y a d'autres temps forts aussi à venir, je crois, pour l'association Diwan en Lorraine. Oui, tout à fait, donc juste avant d'aborder le temps fort, pour les gens qui souhaitent rencontrer Karim Jaafar, il sera là le dernier week-end de l'exposition, donc le 19 et le 20 vous êtes les bienvenus. Et puis pour Diwan, nous enchaînerons avec une douzaine de partenaires sur la ville de Nancy, sur un temps fort dédié à l'Afrique qui s'appelle Désir d'Afrique, désir au pluriel. Et à l'intérieur de ce Désir d'Afrique, il y aura des propositions des différents partenaires entre des pièces de théâtre, des concerts, des spectacles de danse, des conférences et Livre d'ailleurs qui est le salon du livre que Diwan porte avec un certain nombre de partenaires dans les libraires de Nancy et qui aura lieu du 4 au 6 mars au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Et nous aurons le plaisir de vous avoir à nouveau au micro de Fadjet pour en reparler plus en détail. Et bien sûr, donc cette exposition, je le répète, Calligraphie de Karim Jaafar jusqu'au 20 février avec présence donc de l'artiste le dernier week-end, les samedis et dimanches de 14h à 18h à la Douéra, 2 rue du Lion d'Or à Malzéville. Et l'entrée est libre, c'est important de le signaler. Pour suivre votre actualité, vous avez bien sûr le site internet diwan-en-lorraine.net et vous êtes également présent sur les réseaux sociaux, j'imagine. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, plus actif que jamais, parce qu'on a besoin de faire savoir ces différents événements que l'on porte et que le public soit au rendez-vous avec les artistes quand il s'agit d'expositions, avec les écrivains quand il s'agit de salons du livre. Merci beaucoup, Ridouan Atif. Merci à vous de votre soutien à nos activités. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.